Radio Guinée d'Haïti, 10:30 AM. Nabay bon Dieu gloire pour chaque jour que Libano. Chaque fois Radio ça li met sous tête mon nan ak bolan mea pour divertir, informer ak éduquer. Nous dit grand maître la merci. N'a fait louange ak compliment pour grand architecte. Nous invitons rete branché pour un autre programme. Yon expérience natif natal. Ma paye bon Dieu gloire pour sa vie. Paye bon Dieu gloire pour bonté vie. Oh Adonai, oh Elohim des Elohim, nous voulons la paix. La paix dans les familles, la paix dans les cités, la paix dans les nations, la paix sur toute la terre. Le cœur des hommes est fait pour aimer, non pour haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l'amour. Éloignez d'eux à jamais le désir des guerres impies et fratricides. Donnez-leur la soif inextinguible de la paix. Déchaînez dans le monde une vague d'amour et de fraternité. Nous vous en supplions par le Verbe incarné, l'expression de votre amour infini, donne-nous la paix universelle. Que la paix étende partout sa sérénité et sa justice. Mais surtout, sur les peuples qui sont menacés dans leur vie, dans leur liberté, dans leurs idées et dans leur conscience humaine. Faites à Adonai et vous, puissance de la lumière, que les intérêts particuliers s'effacent toujours devant l'intérêt général de l'humanité. Et que celle-ci se rose sur le plan spirituel de la fraternité et de l'amour pour juguler à jamais la colère, l'envie et la haine. Donnez aux riches de la terre un cœur sensible et généreux. Aux pauvres, l'intelligence du royaume de la lumière avec la tempérance des désirs. Aux puissants qui gouvernent le monde, le sens de l'équité dans la prudence et la sagesse. Aux gouvernés, le respect de la hiérarchie juste et légitime. À tous les hommes, l'humilité de la foi, l'espérance et la charité. Amen. Amen. Amen. Radio Guinée, c'est grand architecte de l'univers là qui fait à deux plamènes. Li pour tout haïtien sans distinction. La bia connaît sur Radio Guinée, elle fait 6 jours avec 16 minutes. Bonjour tout le monde, jeudi, c'est lundi qui c'est 14 juillet 2025, c'est justement première sortie Nouvelle Natif Natal qui rentrait la caillou. Nouvelle Natif Natal sur Radio Guinée chaque matin 6 heures après la messe. Bon temps, mauvais temps, même le soleil n'a pas levé, chaque matin 6 heures, your expérience Natif Natal. Looking for smarter ways to manage your workforce? WorkWise is an innovative technology powered by AI and data-driven insights. WorkWise empowers healthcare organizations to achieve ultimate flexibility while delivering exceptional patient care. From predictive analytics to advanced workforce management capabilities, WorkWise is your all-in-one solution to optimize outcomes. It's time to transform your workforce strategy. Visit AMNpartners.com and see how WorkWise can work for you. Ever wanted to stay on vacation longer? Us too. With Vrbo's long stay discounts, you can stay longer and save more on select properties. Gotta love a win-win. Book the perfect summer getaway today with Vrbo Private Vacation Rentals. Your future self will thank you later. Going to the gym can be discouraging, especially if you're putting in the work but barely seeing changes. But with Tonal, you can actually see your progress with every workout. Tonal provides the convenience of a full gym and the expertise of a personal trainer anytime at home with one sleek system designed to reduce your mental load. Tonal is the ultimate strength training system, helping you focus less on workout planning and more on getting results. No more second-guessing your technique. Tonal gives you real-time coaching cues to dial in your form and help you lift safely and effectively. After a quick assessment, Tonal sets the optimal weight for every move and adjusts in one-pound increments as you get stronger, so you're always challenged. Tonal lets you choose from a variety of expert-led workouts, from strength to aero hit to yoga and mobility to keep you coming back for more. For a limited time, go to Tonal.com to get $500 off site-wide. That's Tonal.com for $500 off site-wide. Tonal.com.